Les allées du jardin des plantes, de Sophie Lemp. Quatrième épisode, Madeleine. Les arbres sont en fleurs. Un nouveau printemps. Ils ne ressemblent pas aux autres. Chaque journée compte. Mariam est assise à côté de moi. On ne parle presque pas, mais sa présence m'est douce. Moi qui n'ai jamais supporté la moindre assistance, même pour faire mes carreaux. Jusqu'à Noël dernier, je montais sur l'escabeau en faisant simplement attention à ne pas glisser. Désormais, je ne peux plus rien faire toute seule. Je me débrouille encore pour ma toilette, mais je sais que bientôt, je serai obligée de demander à Mariam de m'aider. Et cela ne me gêne pas. Je suis si fatiguée. Que le ciel est beau aujourd'hui. Il est d'un bleu si bleu. Je connais chaque recoin de ce jardin. Il y a quelques mois, à l'automne, nous étions assis sur un banc, Anna et moi. Je venais de lui annoncer que je ne suivrais pas le traitement proposé par l'hôpital. J'avais longuement hésité. Tout le monde le répétait, il n'y avait que moi qui pouvais décider. J'aurais préféré ne pas avoir le choix. Ce jour-là, un mercredi, Anna était près de moi. La petite jouait un peu plus loin avec du sable et des morceaux de bois. J'espère que je prends la bonne décision. C'est forcément la bonne décision puisque c'est la tienne. Et puis à ton âge, la maladie progresse moins vite. Oui, si ça se trouve, je mourrais de toute autre chose. À 100 ans. Tu sais, ma chérie, je n'ai pas envie de vous quitter, toi, ta mère, la petite, mais ma vie est finie, c'est comme ça. 84 ans, je n'en demandais pas tant. Ma vie est finie. C'était une phrase dure, sans appel. J'avais regardé ma petite fille après l'avoir prononcée. Un instant, sa lèvre avait tremblé, puis Nine avait réclamé son goûter. Tiens, je t'ai pris un pain au lait, du chocolat et une compote. Tu en veux un petit bout quand, mamie ? Minuscule, juste pour goûter. Tiens. Quand quelques minutes plus tard, elle était retournée jouer, ni Anna ni moi n'avions eu la force d'aborder le sujet de nouveau. Juste avant de monter dans le bus, Anna avait dit « Le temps file. Le temps file. » Je la revois, elle, ma petite fille. Elle qui vient de fêter ses 30 ans. Je la revois dans ce jardin, là-bas, tout au bout de la grande allée. Elle devait avoir 1 an. Je l'avais installée sous un cerisier. Elle ramassait les pétales de fleurs éparpillés dans l'herbe. Elle était calme, souriante, me tendant méthodiquement les pétales récoltés. Chaque moment passé auprès d'elle me remplissait d'une douceur que je n'avais jamais connue jusqu'alors. La semaine dernière, elle m'a envoyé un message pour me dire qu'elle passait dans le quartier et qu'elle en profiterait pour venir m'embrasser. Mariam m'a répondu pour moi. Comme il faisait beau, on serait sûrement en bas au jardin. Cet après-midi-là, j'étais très fatiguée. Je me suis assise sur le banc difficilement. Mariam m'a poussé le déambulateur sur le côté pour que je puisse regarder les gens passer. C'est à ce moment-là que j'ai aperçu Anna. Elle me regardait de loin. Tristement. Très vite, elle a souri, mais j'avais entrevu ce dont elle voulait me préserver. Je comprendrai, tu n'aies pas envie de me voir comme ça. Tu n'es pas obligée de venir si souvent, tu sais. Je sais. Ça ne me pèse pas. Je voudrais seulement que tu ailles mieux. Je me sens si maladroite. Et puis, quand je viens avec Nine, j'ai peur qu'elle te fatigue. Mais non, non. Elle ne me fatigue pas. Simplement, je peux plus jouer avec elle comme je voudrais. Mais ça m'ennuie. Et toi, ma chérie, tu vas bien ? te sens un peu soucieuse. Oh, j'ai des petits soucis au boulot. Mais c'est tellement dérisoire. Je te demande une chose. Reste comme tu es. Raconte-moi, je veux continuer à t'écouter. Elle a promis. Elle m'a raconté. Mais je ne sais pas si à la longue ça continuera. Si elle pourra faire semblant d'oublier mon crâne chauve, mes vertiges, mes joues tendues par la cortisone. Être avec moi, comme elle a toujours été, volubile, exaltée, passionnée. Et moi, est-ce que je pourrais continuer à l'écouter? Est-ce que je ne serais pas seulement suspendue à chaque douleur, chaque malaise, chaque signal envoyé par mon corps meurtri? Est-ce alors un autre présent que le mien comptera? Je ne sais pas. Aujourd'hui, je suis là, au jardin des plantes, à regarder le ciel bleu, si bleu. Anna est assise sous le cerisier. Elle me tend des pétales de fleurs. Nine nous appelle du haut du toboggan. Elles se ressemblent. Elles ont toutes les deux la figure rebondie de l'enfance. Anna est là. Elle a posé son sac à ses pieds. Elle me regarde d'un air soucieux. Puis brusquement, son visage s'illumine. Elle me sourit, passe son bras sous le mien et longtemps, nous marchons ensemble dans le jardin. C'était « Dans les allées du jardin des plantes » de Sophie Lemp, avec Françoise Lebrun, Marie Constant, Sandrine Lebert. Bruitage, Bertrand Amiel. Conseillère littéraire, Céline Geoffroy. Prise de son, montage et mixage, Claire Levasseur et Dali Yaha. Assistant à la réalisation, Vivien Demeyer. Réalisation, Pascal Deux.